Bonjour à tous. Aujourd'hui, soupe paysanne au poulet pour 4 personnes. Un demi-poulet fermier, un bouquet garni, 500 g de pommes de terre binge, 200 g de poireaux, un oignon, une carotte, 2 branches de céleri effilées, 15 cl de crème entière, du sel et du poivre. Pochez la volaille avec le bouquet garni et un peu de gros sel, 40 minutes à feu doux. La sortir, la laisser tiédir, enlever la peau plus les os. Coupez en petits dés et réservez. Dans le bouillon de cuisson, ajoutez tous les légumes. Cuisson 30 minutes à feu doux. Mixez finement le tout. Mettre au point. Ajoutez la crème plus les dés de volaille. Servir dans des assiettes chaudes avec un trait d'huile d'olive et des peluches de cerfeuil. Un petit vin conseillé, un rosé d'Anjou à boire avec modération.